Par un gai matin de novembre, une nuée de tlemcéniennes traversait le petit bois de cyprès à la lisière de la fontaine, riant et causant tout à la fois. La brise gonflait leurs gants d'oura blanche. Leurs sarmates rouges, verts, jaunes, bleus, étincelaient au soleil levant. De loin, elles aperçurent Dada, la négresse des Kasbadji, qui remontait la grande route, le pas alerte, toujours raide dans sa gaine de soie rutilante, un coussinet de satin rouge qui tressautait sur ses cheveux crépus. Au souhait de passage des belles promeneuses, elle répondit « Eh les filles, Allah bénit Sidi Boumedine dans cette nouvelle lune. Vous allez de noce en noce, sans dire nous sommes fatigués. Grâce à Allah, grâce à Allah, dis-nous qui nous préserve du mauvais œil, » lança la plus superstitieuse des femmes. « Alors, c'est fait, Mama Dada, c'est fait. Allez, allez vous réjouir. Dieu vous a donné. Je viens de faire la demande. » Et elle accompagna ces derniers mots d'un grand sourire de ses dents blanches. Les belles tlemcéniennes hâtèrent le pas. Mais comme bien on pense, les cactages allèrent leur train. « Voilà une vraie fille des marabouts, » dit l'une en parlant de Zulika, « comme elle sera blanche le jour de sa mort. Une fille de grande race, ma sœur. Elle accomplit à elle seule ce que les savants et les puissants réunis n'auraient pu faire. Qui leur a dit que Sid Kisbadji et Lala Goussum, ces orgueilleux qui croyaient que le monde descendait de leurs escarpins, partageraient un jour sur la tombe de leur ennemi le petit pain du pardon? Alors qu'il y aura bientôt 5 ans, ils avaient tous juré et bu la gorgée d'eau à la cruche de la séparation. Eh oui, tout vient à son heure. Il faut croire que Sid Kadour avait été brûlé innocent pour que Dieu lui donne, couché dans sa tombe, une pareille récompense. Sa fille, demandée en mariage par le fils de la grande maison. Les tlemcéniennes s'enfoncèrent dans le petit bois pour aller saluer la nouvelle épouse. Dans le mouvement que faisaient les têtes pour échanger les bavardages, les sarmates au loin se rapprochaient comme pour se frôler, s'amalgamer en une féerie d'arc-en-ciel, qui s'évanouit bientôt sous le clair-obscur des frondaisons. Assis sur le seuil du petit gourbi, dont la porte a été garnie pour la circonstance de branches d'olivier et de touffes de laurier rose, Aïcha, le visage épanoui, admire la corbeille des fiançailles que Dada vient de déposer à ses pieds. Les parures de soie, voisines avec les ceintures d'or, avec les frêmelas de velours brodé et les escarpins sertis de pierres précieuses. Au cœur d'un biscuit mousseline, un gros saphir de famille brille comme une étoile, en symbole de l'amour. Aïcha a revêtu un costume tout de satin vert pomme, passé des mules de brocart rose, et ses cheveux sont serrés dans un foulard d'or à longues franges d'argent. Au fond du gourbi, sa mère la contemple du coin de l'œil. Au fond du gourbi, sa mère la contemple du coin de l'œil. Une ivresse fait grelotter ses vieux bras qui pétrissent le henné des accordailles. Aïcha écoute là-haut le bruit des orchestres qui viennent de s'installer à nouveau, et pour elle, cette fois, dans la maison de Diden. Soudain, sur la route, elle aperçoit la nuée des tlemcéniennes qui s'approche dans la direction du gourbi. On vient lui apporter des souhaits de bonheur. Alors, sa joie éclate. Elle se rappelle tout le mépris dont elle a souffert de ses femmes et de tout le monde. Elle n'y tient plus. À pleine voix, elle se met à chanter. « Brillez, brillez! Vous tous ne valez que du vent. Moi, j'ai ma chance belle et ma lampe illumine. Tout ce que le maçon construit s'élève et tombe. Tout ce qu'a construit mon rêve, tout me réussit. » Minuit. Aïcha, pâle d'émotion. Fort jolie, sous un léger costume de faille blanc, avance d'un pas qui tremble vers la chambre nuptiale. Deux mahalmates la soutiennent. La foule des invités, curieuse et compacte, se resserre autour d'elle. Les youyous se mêlent au son des guitares et des violons. Les parfums pleuvent des aiguères d'or. Prends ce que Dieu t'envoie, ô fils des heureux. La portière s'écarte. Diden apparaît, toujours beau et fier dans ses burnous de soie. Son visage, à la vue de la petite amie d'enfance, reflète une joie tranquille. Aïcha pense défaillir lorsqu'elle sent le burnous de Diden se replier sur elle avec tendresse, le bras du bey entourer sa taille nerveuse. Tout le monde s'est écoulé. La musique a cessé. Alors pénètre la Lazulika, toute de brocart habillée. Elle avance, plus belle, plus imposante que jamais, encore grandie par le sacrifice. Elle vient elle-même tendre à Aïcha le petit bol de porcelaine plein d'un bouillon réconfortant. « Bois, » dit-elle à sa sœur, et elle insiste. « Bois, car une nuit de noces procure tant d'émotions. » Ainsi s'achève Noblesse arabe par Elissa Rice.